trop de diamants. Viens pécho à ce front ou à Pernon. Viens au mariage sous enterrement. Billets verts, j'en ai tellement. J'encule vous tous solennellement. J'fais le hella sans prendre d'élan. J'suis ours noir, pas goéland. La tasse bébé me guéland. À pas en cours, j'suis au premier rang. Boulevie en cours, chien errant. À la cul du mens, j'la veux. J'vais lui mettre doucement au calme. Bang bang dans sa chenille, étincelle dans sa rondelle. Dans ton studio, rue Blondel, j'ai le mien à bord, l'odeur d'elle. Ma joint faut que je l'entretienne, le peuple faut que je l'entertaine. Paquet de silicartel, couille de bois en porte-jardin. Hello, c'est Bédezo. J'suis avec Prince Boateng, Balotelli, au Milanello. Homme d'affaires, player, rappeur, voleur. Je dis ce que je vis, j'en ai vu de toutes les couleurs. Ma life est de mauvaise humeur. Je suis meilleur ami qu'ennemi. Street life sinon quelle vie. Dealer. Je dis ce que je vis. J'suis aimé dans le cul si profond qu'elle veut pas marcher. J'voulais juste confier en toi et moi, baby, ça ne peut pas marcher. Toutes les prières de la terre ne seront pas assez. On va bien piquer ta grand-mère, on va te tabasser. Ferme ta gueule, caillaté. C'est pas les pompiers mais les rectaires qu'il faut caillater. Si vous franchissez la limite, ça va chier. Ne déclenchez pas une guerre, vous n'êtes pas assez. 340 en lambeau, plaché. J'vais rester dans le game à jamais, à la sabatier. Caillou de crack et d'héro, dans le saladier. Nécro ne break plus au Trocadéro, nécro sont cachés. Homme d'affaires, player, rappeur, voleur, dealer qui je suis, dealer. Que je vis, j'en ai vu de toutes les couleurs. Ma life est de mauvaise humeur. Je suis meilleur ami qu'ennemi. Street life sinon quelle vie. Dealer. Je dis ce que je vis. Viens voir dans le turf. Je l'ai vu sur l'infini. Sur plus que des gros culs. J'étais sur Mars, mon alibi. Ils voulaient monter à bord, mais pour eux tout est fini. Chérie, m'aimerais-tu encore si j'avais la vie d'un fouini. Easy, chill. J'ai bien mangé de ouf. Ma fée, biatch. Amène-moi mon plan, mon bulletproof. Viens débarrasser. Suis-je un rappeur hétéro dans ce métier. Rappel de cigare dans les cheveux, c'est mon éplé. Kill off mic, PEG. Ménès, PDRG, sera tout Rennes. Calibré dans le hood, calibré dans le dos. Canon long, dark, Clint Eastwood, les yeux dans le dos. Regarde dans le camp adverse, c'est la haine.